Bienvenue sur la seconde heure de mon live à la Java. Alors j'en profite pour faire la pub pour Escape. Alors allez sur le www.esc-ape.com. Jetez-y un coup d'œil, en tout cas ça vaut le coup. Allez, on continue de suite. On en a encore pour 1 heure. Ciao! We'll be right back. Thank you. Mais aussi les infos me concernant ou vous souhaitez tout simplement me contacter, retrouvez-moi sur mon blog djdv.blog.radiofg.com. Et voilà, le live touche à sa fin. En tout cas, bon, je vous avais prévenu, hein, la qualité sonore n'est pas fantastique. En tout cas, ça m'avait fait bien plaisir de mixer à cette soirée. Je remercie encore toute la team Escape, vraiment, mais vraiment, je vous remercie beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques semaines, là, puisque je vous promets un épisode dans pas longtemps. En tout cas, bye bye, à la prochaine, ciao. Gotta keep it singing. Thank you. looking for a meaning. Everybody's doing their own thing. Ain't nobody solving the problem. Some people give in to fear. Some people give in to hunger. Some of us live for the future. Some of us wonder. low can you go? Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. Power the people say, make a miracle, keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Should we get it right? Radio stations are questioning blackness. They call us a black, but we're seeing the greatest.